franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Le corps, c'est lui. L'esprit, c'est elle. Docteur Philippe. Et Margaret de Beaulieu. Margaret, je te bande les yeux, je t'attache les mains dans le dos et je vais te faire une grosse surprise en t'emmenant faire un tour sur la rocade de Poitiers. Chouette, divine surprise. Mais tu ne crois pas si bien dire, puisque figure-toi que le pape Clément V s'y est arrêté, alors non pas sur la rocade, mais à Poitiers. Poitiers, sa cathédrale, son centre historique et sa place du marché. Alors c'est à Poitiers que nous partons. Eh oui, regarde. Eh oui, Philippe, pour y deviser avec Jean-François de Poitiers qui a un problème. Moi aussi j'ai un problème, Marga. Je crois bien que je t'aime. Oh. Bonjour Jean-François. Bonjour Margaret. Bonjour docteur. Philippe. Ah oui, bonjour Philippe. Docteur. Alors arrêtez-moi si je me trompe Jean-François, j'ai la sensation d'avoir déjà entendu cette voix quelque part. Hein, mon petit doigt me dit que j'ai déjà entendu cette voix quelque part, non? Oui, j'ai appelé coûte que coûte deux fois déjà. Je suis, comment dire, quasiment un habitué. Quoi. Ah, c'est bien ça. Alors attendez, dites rien, j'ai trouvé. C'est d'ordre sentimental. Non, attendez. Je vous ai dit de rien dire, je vais trouver. C'est fou ça. C'est gaufrette. Oui, ben voilà, ça ne sert plus à rien. Bon alors, Jean-François, alors est-ce que vous vous êtes débarrassé de gaufrette finalement? Mais, j'ai bien écouté vos conseils, hein, mais la faire piquer, ça, j'ai pas pu. C'est quand même l'amour de ma vie. Donc j'ai préféré l'autre solution. Je l'ai attaché à un arbre sur une aire d'autoroute. Bon. J'ai tout quitté. J'ai trouvé un travail de manutentionnaire sur Poitiers. Puis en descendant de Sens, ben, je me suis arrêté. Puis j'ai attaché ma gaufrette. Puis je suis reparti. J'ai été effondré. Ah oui, bien sûr. Oh là là là là. Mais oui, mais c'est bien parce que vous avez choisi la vie, Jean-François. Enfin, pour vous en tout cas. Hein. Parce que quand vous avez appelé la dernière fois, vous étiez dans une impasse. Alors, pas d'inquiétude, elle a sûrement été récupérée par la SPA, qui l'aura sans doute depuis euthanasiée. Voilà. Ah non, en repartant, j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai regardé dans le rétroviseur pour la voir une dernière fois. Aïe, aïe, aïe, malheureux. Il ne faut jamais regarder en arrière. Hein. Souvenez-vous de Sodome et Gomorrhe. Pas si bien dire. Ah bon? Ah oui. Et là, j'ai aperçu une forme sombre qui a déboulé derrière les latrines, qui s'est jetée sur ma pauvre gaufrette, que j'avais laissée à sa merci, au fond, et qui l'a saillie sauvagement. Qui est cette personne, monsieur? Un croisé Beauceron Terre-Neuve, de toute beauté, hein, très puissant, qui avait dû être abandonné là depuis plusieurs semaines par un couple de pharmaciens allemands de Stuttgart qui descendaient dans leur propriété du Luberon pour les vacances de Pâques, comme il nous l'a fait comprendre par la suite. Ouais. Qu'avez-vous fait alors, si je comprends bien, vous êtes revenu sur vos pas? Ben, en voyant cette scène à la fois choquante, hein, mais aussi d'une charge érotique inouïe, hein, j'ai pilé, j'ai fait une marche arrière. Sur l'autoroute? Ah ben non, je suis pas complètement fou. J'étais encore sur la voie d'accès qui me ramenait sur l'autoroute. Oui, hein, Jean-François, attention, en respectant les autres conducteurs, c'est vous-même hein, que vous respectez. Ah oui. Donc arrivé à leur hauteur, j'ai vu ma gaufrette qui prenait du plaisir. Hein. Du coup, je suis pas intervenu. C'est bien, Jean-François, c'est courageux, car en la respectant, elle, c'est vous-même que vous respectez. Ah oui, hein. Oui. J'ai donc attendu qu'ils finissent, et là, j'ai éprouvé un désir comparable à celui des débuts. Oh, c'est beau. Eh oui, on a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Oh, il y a un volcan, oui. Quand Karl a eu terminé, parce qu'il s'appelle Karl, j'ai fait l'amour à gaufrette, comme si Karl m'avait, mis au défi de lui procurer autant de plaisir qu'il avait su lui en donner. Mmh, oui, c'est beau. Hein. C'est beau et ça nous permet de tordre le cou à tous ces... comment dire, auditeurs, hein, qui nous disent « Oui, vous êtes vieille France, vous diabolisez la sexualité dans vos émissions. » Mais c'est faux, je suis désolé. L'érotisme est une chose qui fait partie intégrante de nos vies. Hein. Oui, et je rappelle que notre émission est un espace où l'on peut s'exprimer librement sans être jugé. Heureusement, parce que je ne peux pas en parler à grand monde. Hein. Les gens jugent vite. Ah oui, trop vite. Alors, quelle est votre situation sentimentale aujourd'hui, Jean-François ? Ben, on s'est installés tous les trois à Poitiers. Mmh. Ah oui, donc c'était pas qu'une vulgaire histoire de... d'arrière-train. Hein. Ah non, il y a beaucoup de respect et d'amour. Bon, alors, pardonnez-moi Jean-François, j'ai une question qui me taraude. Rassurez-moi, quelle est la nature de votre relation avec Karl ? Ben, on est comme deux amis qui aimons la même personne. D'accord, donc il se passe rien entre vous et lui. Non mais oh, dites donc. Non, mais c'est... D'accord. Non, mais c'est pour être sûr, parce que vous savez, on voit de ces choses. Bah oui, mais non. Oui, je suis pas un... Bon. Non, mais je... Juste, je voulais vous demander si ça a rien d'anormal. Parce que c'est pas commun, quand même. J'ai besoin que vous m'aidiez à comprendre ce qui m'arrive. Qu'est-ce qui vous arrive ? Eh ben, vous êtes re-amoureux, mon vieux. Ben merci, je me sens soulagé. Je sens que ce soir, je vais bien dormir dans mon panier. Comment ça ? Ah bah par contre, ça, on n'arrive pas à dormir tous les trois. Hein. Je leur laisse le lit, c'est plus simple. Oui, bon, c'est de la pudeur, ça. Allez, merci Jean-François et la bise à Gaufrette. Et au beau Karl. Ah oui, c'est vrai. Richard Anthony, on l'a si bien chanté. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui ? Je suis amoureux de ma femme, c'est tout à fait normal. Merci Philippe et merci Jean-François de nous offrir ces moments d'amour universel. Mmh, au revoir, merci à Yann Chouquet pour cette mise en onde. Au revoir Philippe, merci à tous. À votre écoute, coûte que coûte, c'est aussi vos commentaires sur franceinter.fr. Dans un instant, carnet de campagne avec Philippe Bertrand.